présenter. Et puis après, on va vous inviter à en débattre avec nous. Donc là, je vais faire la modération pour vous passer le micro. Et si vous avez des questions, des choses à rajouter, l'idée, c'est que ce soit vraiment un débat ouvert. Et donc, si tu es prêt, je te passe le pour ton intervention. Très bien. merci pour votre invitation. Voilà. Bon, c'est la première fois que je fais une intervention de cette manière. C'est assez. Hein? Bon, c'est bien. C'est un bon acte de la démocratie dans la cité. Voilà. Bon, tout simplement, maintenant, récemment, j'ai parlé beaucoup, donné pas mal de conférences sur ce qui se passe à Hong Kong. Comme depuis cet été, au courant, à travers les médias, ce qui se passe à Hong Kong ont été largement relayés par les médias dans le monde. Parce que c'est un sujet assez compliqué, hein, c'est un thème, ça remonte en amont de l'histoire de la modernité chinoise. Ça remonte aussi en amont ce que se passe depuis ces derniers 40 ans. Hein. Donc c'est assez compliqué, et donc comme il faisait un peu froid, donc voilà, je résume quelques pour l'enjeu principal, après, voilà, sur essentiel. Après, on sait que vous avez certaines questions, j'essaie de vous répondre de mon mieux. Hein. Voilà, donc Hong Kong, c'est une petite ville, mais après, rejointe par les deux autres territoires liés avec l'histoire de modernité en Chine, avec la guerre d'opium. Hein, donc, voulez prendre le Lille pour comme un point d'attaque pour passer le flotte, etc., pour les commerçants. Voilà. Bon, depuis en 1842, hein, petit à petit, devient assez prospère. Cette ville, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il y a trois vagues d'immigration vient de la population fuyant le régime communiste. Hein, au début des années 50, il y a une vague d'immigration qui arrive dans cette ville. Ensuite, vers la fin des années 50, au début des 60, il y a la grande famine créée par la politique de Mao, hein, la commune populaire, c'est pas, il y a ça causait, selon les estimations plus différentes, moins 35 millions ou entre 35 et 40 millions de morts sur la Chine continentale. C'est terrible. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens prenaient vraiment le risque. À l'époque, hein, vous voyez le Qatar qui flotte jusqu'à Hong Kong parce que les gens se jettent sur la mer pour essayer de survivre. Donc, il y a une autre vague qui arrive à Hong Kong. Troisième vague, c'est après la révolution culturelle, que la Chine s'ouvrit à nouveau vers le monde. À ce moment-là, on a autorisé les gens qui sont repartis de la Chine. Qui sont ces gens-là? Ce sont des gens, au début, la fondation du régime en 1949, et beaucoup de gens de Chinois d'outre mer croyaient que une nouvelle période arrive. Et donc, beaucoup de jeunes, chinois, etc., voulaient rentrer en Chine pour construire le pays. Mais tous ces gens-là, malheureusement, ils ont subi énorme de souffrance tout au long du régime maoïste. Ils ont compris complètement rien à voir avec l'histoire. Puisqu'ils ont de l'origine étrangère, ils ont très, très, très mal traité. Hein. Beaucoup ont été jetés dans la prison, sont morts, etc. Donc, une fois, ils ont l'occasion de repartir. Vers la fin des années 70, quand la révolution culturelle a mis fin, on les a autorisés de repartir, donc ils sont partis. Mais comme ça fait déjà 20 ans, 30 ans, donc ils ne peuvent plus rentrer dans le pays d'origine pour venir en Chine au début des années 50. Et donc ils se sont arrêtés à Hong Kong voilà. Ces trois vagues qui construisent une base essentielle de la population Hong Kong actuelle. Donc, vous pouvez imaginer tous ces gens-là, ils ont une forte de sensibilité pour la question de liberté. Donc, et là, quand cette histoire de rétrocession de la Chine, de Hong Kong s'impose, parce que en 97, c'est le 30 ans d'une paille, c'est les trois territoires qu'ils ont construits pour le territoire Hong Kong actuel. Mais il y a une partie qui s'appelle Nouvelle Frontière à l'époque, c'est les langues louées, ces territoires, de la part de Qing dynastie, le dernier gouvernement de Tang dynastie. Donc, 97 arrive le thème de 100 ans. Donc, ça impose cette question, et comment on va rentrer la Chine ou pas? Parce que pour de l'île, c'est évidemment pour donner aux Anglais. Mais comme ils sont déjà liés ensemble, on ne peut pas les séparer, du coup, voilà. Donc, c'est une question à l'époque, après... Je n'entre pas en détail, qu'on a conclu un accord que Hong Kong 97, c'est pendant des il y a cette discussion, on rentre le Hong Kong en 97 à la Chine. Mais dès que cette question commence à être discutée, beaucoup de gens de Hong Kong ont très peur, parce qu'ils peuvent un jour retomber sous le Maine. Comme il y a beaucoup de gens qui commencent à partir au Canada, tout ça. Mais comme Hong Kong, c'est une ville assez prospère, beaucoup de gens, pour avoir un papier, une nationalité, après, ils retournent à Hong Kong pour travailler. Hein. Mais quand même, ils voulaient avoir le plus de garanties, de liberté. Donc, à l'époque, c'est comme après la révolution culturelle, il y a la réforme, une ouverture. Beaucoup de l'espoir levé en Chine, il y a cette possibilité vers plus de démocratie, de liberté, etc. Donc, quand la déclaration conjointe entre le gouvernement britannique et le gouvernement chinois est faite, dans laquelle promis aux gens de Hong Kong qu'ils peuvent avoir une démocratisation, avec un suffrage universel pour élire le chef exécutif de Hong Kong et aussi les députés de Hong Kong, beaucoup de gens qui n'avaient un peu de doute, un peu de suspicion hein, pour ça, mais quand même ils ont accepté ce destin. Donc ça passe plutôt bien, mais il y a une affaire qui passe plus beaucoup de donne, c'est 89, quand le mouvement à Pékin, étudiant à Pékin là, revendiquer la démocratisation en Chine, les gens de Hong Kong largement portent le soutien pour ce mouvement, mais après la répression fait très peur aux gens de Hong Kong. Parce que à nouveau, c'est l'opinion, c'est pour cette raison, vous pouvez, si vous faites attention, vous pouvez rappeler depuis 30 ans, chaque année, le 4 juin, les gens de Hong Kong qui commémoraient hein, massivement, les gens, chaque année, il y a 100 000 qui commémoraient cette affaire. C'est curieux, c'est une affaire, ça c'est pas produit à Hong Kong. Mais pourquoi les gens majoritairement, c'est parce qu'ils savent très bien ce que se passera en Chine, il y aura de l'impact sur le gouvernement de Pékin. N'est pas un gouvernement démocratique, tôt ou tard, il y aura des problèmes. C'est comme ça que l'enjeu de démocratie, de démocratisation en Hong Kong devient si important. Donc, pendant depuis toutes ces années, après, bon, depuis 30 ans, hein, continue à réclamer la démocratisation, mais jusqu'à 97, mais depuis 97, maintenant, hein, de toutes ces années déjà passées, et le gouvernement chinois, au début, noir et blanc, promis, dans le même dans la déclaration conjointe de Pékin et le Britannique qu'on a donné successivement, mais on a fixé une date, après on repoussait, on continue à repousser, et il y a 6 ans, 2013, Pékin a définitivement fermé les portes. C'est pour cette raison déclencher le mouvement de parapluie. Si vous avez vu il y a 5 ans, les gens occupaient le central. Voilà. Donc, et les policiers après, voilà, c'est connu un échec. Et donc, le mouvement continue, la revendication continue. Et mais cette année, pourquoi ça a déclenché? C'est parce que cette année, il y a pas simplement le droit démocratique n'ont pas obtenu, les gens de Hong Kong qui ont comme la liberté sous les Anglais, hein, ils ont pratiquement toutes les libertés que les citoyens modernes peuvent avoir. L'association, l'expression, il n'y a pas de problème, sauf la question élection démocratique. C'est ça, ils n'ont pas. Et donc, et mettez-vous une petite parenthèse, beaucoup de gens qui, maintenant, on sait très bien, hein, tous les historiens découvrent. Au début, on dit, disent que pourquoi les Anglais n'ont pas fait une démocratisation à Hong Kong, ils n'ont pas. Mais en réalité, après la Deuxième Guerre mondiale, dans cette demande, tout ça, de démocratie, les Anglais étaient prêts à l'époque de faire une démocratisation largement démocratique pour les Hongkongais. C'est Pékin qui a fait le stop. Pékin a dit que si vous faites là, on va reprendre tout de suite de force de Hong Kong. Hein. C'est parce que pas Hong Kong, après, dans avec une démocratisation, après un jour, quand Pékin voulait reprendre Hong Kong, ça crée des problèmes. Donc Pékin, c'est curieux. C'est curieux. Beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer ce pouvoir de Pékin. Et les Britanniques, hein, des années 50, il y a ce genre de choses. Hein. Les gens, oh, maintenant, c'est tout son document diplomatique, on sait déjà. Voilà. Donc, Pékin, à l'époque, n'a pas pris le Hong Kong, quand il a pris le pouvoir de force, il peut prendre. Hein. Mais parce que Mao, à l'époque, une stratégie, il dit qu'on laissait le Hong Kong aux mains des Britanniques, comme ça, on a une petite fenêtre dans le sud, hein, et pour au cas où on a besoin, on peut profiter de cette terre. D'ailleurs, ça s'est produit comme ça. Après la guerre en Corée, le monde occidental a fermé la porte vis-à-vis ce régime rouge, ce pouvoir rouge. Et à travers Hong Kong, Pékin organisait tous ces trafics pour les médicaments, pour les trucs. Voilà, c'est l'histoire. Voilà. Hong Kong prospère, il y a une partie liée avec ça aussi. Donc, le gros problème, c'est que cette fois-là, pourquoi c'est déclenché? C'est parce que ce gouvernement voulait passer une loi d'extradition de criminels, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des gens commis le crime sur le Chine continent. Qu'on va, si le continent le gouvernement de Pékin, le continental, demande, on va l'extrader en Chine continentale. Du coup, ça touchait un point très sensible, parce que tout le monde sait, en Chine continentale, maintenant, il n'y a pas cette indépendance juridique. On peut incriminer quelqu'un avec tous ces cartes, comme monsieur et toi, tu m'emmerdais pour pris l'argent, tu es un criminel. Donc, et ça se produit beaucoup ce genre de cas. Hein. Donc, si jamais il y a par exemple des gens de Hong Kong traiter les affaires avec la Chine, des gens de continentaux, si jamais les gens de Chine avec tel ou tel texte dit que ce Hong Kongais il est criminel, et on va t'aller, tu vas m'extrader. Donc les gens, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de sécurité, plus de liberté. C'est là le gros problème. S'élève un pays de système, sera complètement tombé dans l'eau. C'est comme ça que ça a déclenché la protestation au mois de juin. Et donc, au début, 1 million, 2 millions de gens dans la rue pour une ville de 7 millions de population, c'est énorme. Hein, très, très pacifique. Et même chaque fois, on a même nettoyé le vidéo, le photo, vous pouvez voir. Même chaque fois, on nettoyait la route, c'est extraordinaire. Quand tu vois, par exemple, l'ambulance qui arrive, c'est comme sépare les gens, qui laissent le passé, c'est extraordinaire. Parce que c'est une ville, il faut savoir, c'est une classe moyenne. Hein, principalement, les habitants sont des classes moyennes, donc, et très bien éduqués. Hein, très bon. Et malheureusement, le gouvernement de Hong Kong ne recule pas. Et donc, et comme ça, après, il voulait fausser la loi, tout ça. Et donc, ça a déclenché la protestation encore plus forte. Mais après, les policiers commencent à taper. En même temps, il y a des mamans liés avec commencent à taper. Et donc, ça, il y a certains de jeunes qui sont vraiment très, très en colère. Il y a donc des protestations plus jusqu'à maintenant. Bon, il faut savoir une chose, hein. La majorité des gens reste encore pacifique. Il y a peut-être 2000, 3000, on dit que l'un courant, qui sont un peu les jeunes, surtout les jeunes, beaucoup de jeunes, hein, les lycéens, les étudiants, avec les policiers. Et les policiers, même, il y a des gars qui ont tiré le balle. Hein. Donc, voilà, c'est grosso modo. Ça, mais sous la pression, après, le gouvernement, au final, mais malheureusement, c'est trop tard. Les revendications, c'est déjà plus. On a lancé 5 revendications. Parmi les 5 revendications, on demande de créer un comité indépendant, enquêter sur le. Ça, c'est devient quelque chose de fondamental. C'est quoi? C'est sur enquêter les violences policières. On voulait un comité indépendant. Hein, indépendante, mais jusqu'à maintenant, ils refusent toujours. C'est là, c'est maintenant devient le principal. Il y a parmi ces 5 revendications, par exemple, on demande le chef exécutif de Carilam, et c'est toujours pas, il refuse toujours. Hein. Ensuite, il y a la revendication de démocratisation. Franchement, beaucoup de gens de Hong Kong sont conscients, c'est pas possible. Forcément, pas laisser que les gens. Hein, mais oh, c'est cette affaire, c'est-à-dire que l'enquête, le comité de création de l'enquête indépendante sur les violences policières. Vous pouvez prendre une photo pour moi. Voilà, c'est comme ça, un souvenir. C'est très rare ce genre d'occasion. Voilà. Donc, et c'est toujours refusé maintenant. Hein. Donc, et donc, malgré, ils ont officiellement retiré au mois de septembre, c'est déjà trop tard. La colère, voilà. Récemment, dimanche, il y a une élection. Ce sont des gens, des pro-démocrates, remportent largement la victoire. C'est vraiment. Vous savez qu'il y a 71% de participation, mais c'est local, hein, comme l'arrondissement, ce genre de. Mais ce genre d'élection, autrefois, tout le monde s'en fiche. Vous devez savoir, parce que cette élection, il n'y a aucun sens. Il n'y a pas de sens de l'État. Simplement, le conseil s'occupe des affaires et tout ça, il n'y a aucun sens. Mais très symbolique, c'est comme ça, avant, les gens ils participent. Le taux de participation, 15%, 20%, c'est tout. C'est comme ça, en même temps, c'est souvent c'est pro-Pékin, la force de pro-Pékin qui organise le troupe. C'est comme ça, chaque fois, c'est toujours les gens de pro-Pékin qui ont gagné, hein, jusqu'à la dernière fois. Ils ont des 300, 360, plus de 400. Voilà. Mais pourquoi cette fois-là, la population majeurement mobilisée? C'est parce qu'en temps d'élection, il n'y a aucun sens en référendum. On voulait envoyer un signe à Pékin. C'est comme ça que Pékin est complètement surpris. Parce qu'au début, il croyait qu'il peut encore comme avant. Cette fois-là, maintenant, comment ils vont digérer cet échec? Est-ce que ça peut changer un peu le ton? Je pense que c'est une très bonne une occasion parce que ça tourne quand même à la population un issue. Depuis quelques mois, cette colère, finalement, ça calme un peu le jeu. Hein, si on verra, est-ce que Pékin peut aussi tirer un peu de leçon pour essayer de. On est dans une phase très, très délicate. Hein. C'est que si Pékin ou si le gouvernement de Hong Kong a un peu d'attitude, répond à certains, par exemple, créer vraiment un comité d'indépendants, d'enquête, ça peut calmer un peu le jeu. Si ça si continue, et en même temps, riposter, organiser des contre-attaques pour encore arrêter encore les gens. Il faut savoir maintenant qu'on a arrêté des milliers de personnes. Hein. La majorité sont des gens, il y a beaucoup de classes moyennes et des jeunes, même des lycéens. Et vous devez savoir, pour arrêter, ils ont risque de entre 5 ans et 10 ans de prison. Hein. Et là, même malgré ce genre de risque, beaucoup de jeunes qui ont participé, là, c'est quand même une situation très, très. Ah, voilà. Si jamais on n'arrive pas, cette vague relativement calme, ça redéclenche. Dans ce cas-là, Hong Kong, voilà, c'est la prochaine étape. C'est encore imprévisible, peut-être encore plus grave. Voilà. Bon, donc Hong Kong, je dis toujours cette Hong Kong que on connaisse, hein, autrefois, plus ou moins est morte. Et l'avenir de Hong Kong, il y a un nouveau Hong Kong. Peut-être sera né un jour dans toutes ces luttes. Mais quand même, forcément, ça sera lié à ce que se passe. S'il n'y a pas de changement en Chine continentale, Hong Kong est progressivement... c'est ça. Ça va ? Merci pour le... pour votre intervention. Donc je répète, alors peut-être pour le micro, le tenir comme ça permet d'être plus entendu aux personnes qui passent, qu'on a là un débat autour de ce qui se passe à Hong Kong depuis maintenant quasiment 6 mois, et donc n'hésitez pas à venir et à venir échanger là-dessus, peut-être pour lancer le débat. Tu as parlé à la fin justement de peut-être ce qu'on peut traduire ici comme les municipales, c'est ça, les dernières élections qu'il y a eu, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas arrondissement. Et ce que je voulais te demander là-dessus, qu'est-ce que ça donne comme pouvoir ? C'est des gens qui décident de quoi ? C'est quelque chose consultatif. C'est quelque chose qui ne même pas voter le budget, tout ça, il n'y a rien. C'est simplement consultatif, quelque chose de proposer telle ou telle chose. Comment on dit qu'il n'y a pas de ce genre de choses ? En général, cantonal, on a quand même le droit de voter quelque chose, non ? Au niveau de budget, comme ça. Oui, non. Oui, c'est un peu comme ça, mais même il y a un budget. C'est ça, c'est quelque chose très assez largement symbolique, parce que lié avec l'histoire, autrefois, le colonial, c'est un peu donner un peu de conseil, comme des gentlemen qui discutent un peu. Voilà, c'est le véritable pouvoir, c'est au Parlement, là, qu'on. C'est comme ça, c'est là qu'on a demandé le vrai élection démocratique, suffrage universel. Maintenant, il n'y en a pas. C'est ça le problème. Voilà. Donc, j'ouvre le débat. Faites un signe de main si vous voulez prendre la parole. Et voilà. Et du coup, j'avais vu que récemment, sur les dernières élections, il y a eu plein de monde qui sont allés voter. Genre 80%, c'était ça ? Ou 60 ? Ok. 11. Est-ce que ça va changer quelque chose, ou que c'est par là, ou c'est plus symbolique par protestation ? C'est comme je viens de vous dire, parce que autrefois, à ce niveau-là d'élection, c'est largement contrôlé par les forces publiques. Parce qu'ils ont des gens, ils ne trouvent pas l'intérêt, comme ça, beaucoup de gens ne se mobilisent pas. Et donc, c'est dans ce cas-là, les forces pro-Pékins, ils peuvent organiser les troupes d'aller voter. Souvent, c'est eux, ils ont emporté la victoire. C'est comme ça dans les. Et donc, cette fois-là, les gens sont mobilisés, parce que c'est la seule manière. Manifestation pacifique dans la rue, ça donne rien. Et donc, on tapait. Et donc, le gouvernement ne se recule pas. Et donc, ça donnait aller manifester la volonté. C'est ça que... Donc, ça se transforme en quelque chose de référendum. Hein, même qu'il n'y a aucun vraiment pouvoir politique au sens propre. Et donc, et c'est comme ça que les gens massivement, sur coup, vous devez savoir, c'est dans une situation encore très tendue dans le quartier polytechnique de Hong Kong, encore ensiégé, les jeunes encore dedans. Et donc, sont allés, ils ont voté. Là, c'est un message fort. C'est ça. Hein, c'est à dire quoi ? Tu peux plus dire que les gens de Hong Kong, ok, sont. Tu peux jouer toujours de confiance. Mais finalement, cette fois-là, net est là que la population est. Du coup, maintenant, ce message, il y a plusieurs effets positifs. C'est d'un côté, ça donnait un issue psychologique pour les gens de Hong Kong depuis moi, très frustrés, très colère. Voilà. Donc, et ça le fait du bien. Vous voyez, ça le fait du bien, parce que c'est la seule victoire qu'ils ont gagnée. Ils ont, malgré cet acte de pacifique, autour. Vous imaginez dans la petite rue de Hong Kong, c'est pas, vous connaissez Hong Kong, les millions de gens dans la rue, il n'y a aucun incident. Non mais c'est je sais pas que même en France, même, hein, c'est extraordinaire. Et malgré ça, on continue. Bon, mais c'est la seule issue. C'est la seule issue pour seule occasion pour le hein, pour manifester le mécontentement. Donc, ça lui fait du bien du point de vue psychologique. Ça c'est une chose. Deuxièmement, ça donne une occasion à Pékin de dire que maintenant tu acceptes pas la rue, mais on travaille dans l'urne. Alors ou toujours refuser que l'office. C'est comme ça. Je viens de dire tout à l'heure. Ça donne une occasion pour plusieurs parties pour voir dans les jours à venir qu'on hein, réagir. Et donc, sauf Pékin dit que moi je accepte rien du tout. Et même ce genre de du point de vue institutionnel, cette manière de montrer quelque chose que j'accepte pas toujours, je reçois pas le message. Là, on peut attendre encore pire ce que Hong Kong. Donc, si Pékin ajuste un peu les positions. Le gouvernement de Hong Kong local a ajouté aussi certains, par exemple, sur cette affaire de comité d'enquête. Il faut quand même quelque chose, quand même. Il faut du répondre. Tu peux pas. C'est ça le gros problème. C'est ça, il y a quelque chose de fond, un message de fond. Il y a un problème de fond. Dans un régime, quand il n'y a pas la démocratie, d'accord? Problème à certains moments. C'est pour cette raison, ça pour créer souvent des violences ou tout ça. Parce que dans un régime démocratique, c'est du mécontentement tel le gouvernement. Au pire, car il démissionne, on repasse la urne, on a toujours. Mais c'est là le gros problème. C'est ça, c'est le cible, c'est l'objectif des gens de Hong Kong qui voulaient. Hein, ce pouvoir n'est pas légitime. C'est ça le problème. C'est Pékin qui a choisi cette dame. Elle fait plaisir à Pékin. C'est ça le gros problème. Ignorer le vrai désir, vrai besoin, vraie revendication des gens de Hong Kong. C'est ça le problème. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer à une question, une remarque. On a un débat autour des mobilisations à Hong Kong. Tu avais un... Alors moi, ma question va plutôt porter en fait sur les réseaux sociaux, puisque apparemment à Hong Kong, la mobilisation et l'action c'est beaucoup mené, géré, organisé autour. Et parallèlement à ça, en Chine, l'utilisation des réseaux sociaux pour le contrôle des populations, à travers la vidéosurveillance, à travers la reconnaissance faciale, à travers les notations sociales, individuelles, etc., qui s'étend fortement, ce risque d'extradition. En fait, je voulais savoir comment c'était perçu, parce que c'est un jeu dangereux d'utiliser les réseaux sociaux, alors qu'ils sont utilisés pour nous surveiller. Et si vous savez que c'est pour cette... commence par la fin, après je parle de Hong Kong. C'est comme ça, je dis à tout le temps en tant que prof, je saisis toutes les occasions pour dire qu'on est dans un pays démocratique, c'est la chance de parler aux gens hein, en France. Parce qu'on sait très bien maintenant avec les réseaux sociaux, le pic d'intelligence artificielle, on est l'humanité, toutes les sociétés confondent à nouveau des défis très, très importants. Hein, le pouvoir pour contrôler tout, même dans un pays démocratique, si tu ne sois pas vigilant, ça pose problème. Donc, le problème, c'est en Chine, le pouvoir maintenant n'est pas démocratique, totalitaire, et donc il est en train d'employer tous ces moyens de nouvelles technologies en train de surveiller, contrôler les gens. En Chine, il y a 600, 700 millions de camarades qui pointent dans la rue. C'est là, c'est gros problème. C'est un grand défi pour la Chine. D'ailleurs, déjà, pas de liberté. Mais en même temps, politique, etc. Parfois, il y a un peu de liberté prévenant avec tout ce genre de choses. Ça va pénétrer encore plus de... C'est vrai, si vous n'avez pas fait de ma raison, ça, c'est un grand, grand problème. Je dis toujours que la Chine risque d'être l'un des... comment dire, le premier pays totalitaire à l'époque numérique. Hein, c'est avec les moyens numériques, c'est plus de comme Troisième Reich. L'Union soviétique, c'est déjà passé. Écoute tout ça maintenant. C'est permanent. C'est ça, c'est le gros problème à manger. En ce qui concerne le Hong Kong, Le réseau social, c'est quelque chose, à la fois, ça contribue pour la liberté. Hein. C'est comme ça, quiconque, un citoyen extraordinaire, tu peux maintenant t'exprimer. Hein. Autrefois, tu n'as pas de moyens. Et ça offre une liberté et ça offre une possibilité de se mettre en contact avec la communication. Mais en même temps, il y a un problème. Comment réagir toujours ? Dans cette manifestation, dans ce mouvement-là, les réseaux sociaux jouent un rôle fondamental. Okay? Ils ont joué un rôle, même avec le Telegram, tout ça, les jeunes s'organisent. Il n'y a pas de leader. Ils sont continus, mener des débats, organiser des actions, et c'est extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vrai, ça pose en même temps le problème. C'est comment, simplement à travers les réseaux sociaux, parce que parfois ça pose problème. Hein, parce que peut-être le débat peut-être pas assez approfondi, rationalisé, mieux. C'est là, il y a l'avantage et l'inconvénient. Mais quand même, ce réseau social, c'est l'un des facteurs fondamentaux qui permet ce monde qui relie. Là, c'est quelque chose, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je pense que. C'est un mouvement en rendant mérite beaucoup des études, tout ça c'est très très simple, voilà. Oui, t'avais une. Alors n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole, donc je redis aux personnes qui viennent d'arriver, là on fait un débat autour des mobilisations à Hong Kong, donc n'hésitez pas à participer. Je me demandais en fait pour Kongé, qu'est-ce qu'était la démocratie dans la mesure en fait. Quand je vous écoute parler de la démocratie, je vois plus la signification de la liberté d'expression plutôt que véritablement la préoccupation d'un système politique démocratique. Et aussi le fait que vous avez mentionné brièvement que les Anglais n'ont pas voulu installer de démocratie. Donc qu'est-ce qu'il y avait avant une sorte de parlement qui ne représentait pas vraiment les gens. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu repris le même système que les Anglais. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est quoi ? Bon. Les Hong Kongais qui ont déjà la liberté, c'est qu'ils voulaient réclamer la démocratie, c'est au sens tout simple, pour avoir le droit de choisir le représentant et le chef exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Voilà, c'est essentiel, parce qu'ils voulaient, ils voulaient ça. Pourquoi ils voulaient ça? C'est parce que avant. Ils ont déjà la liberté, le juridique, tout ça, c'est avec le système anglais, c'est comme ça que ça produit le prospère en Hong Kong. C'est bien produit. Mais le problème, c'est que, parce qu'ils ont peur, ils savent que si une fois les communistes qu'ils ont pris, ils vont prendre le pouvoir, mais si le pouvoir n'est pas été démocratiquement, comme un rempart, tout ce qu'on avait déjà, la liberté, vont disparaître. C'est comme ça, ma démocratie, c'est aussi pour protéger la liberté. La liberté, avant, maintenant, ne peut plus être garantie. C'est ça le problème, c'est qu'ils voulaient avoir des élections pour choisir leur propre, c'est-à-dire le pouvoir politique. Ils voulaient possibilité de choisir. Mais le problème, malheureusement, c'est pas bon, jusqu'à maintenant, ce n'est pas réalisé. C'est ça, voilà. En ce qui concerne sous les Anglais, ils ont. C'est un système colonial. Mais après la Deuxième Guerre, dans cette vague de démocratie en Inde, comme les Anglais retirent tout ça, à l'époque, même s'ils continuent en Hong Kong, ils avaient le gouverneur à l'époque. C'est lié aussi à l'expérience de Pekin. Il a été pris par les Japonais dans la prison, tout ça. Ils voient comment les Japonais maltraitaient les autres Asiatiques, tout ça. Et c'est quelqu'un assez honnête. Hein, et aussi lié avec ce contexte mondial après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les Anglais avaient cette intention le projet de faire la démocratisation en Hong Kong. Mais Pékin, à l'époque, le communiste, quand il a pris le pouvoir, quand ils ont su, Zhou Enlai envoyé le message, le premier ministre a envoyé un message avec un colonel anglais en disant que si vous faites ça, on va prendre le pouvoir. Parce que même il laisse Hong Kong sous les mains des Britanniques, sans démocratie, il dit on verra après quand on va les prendre tout ça. C'est un... Mais c'est jamais démocratisé. Un jour, si même on voulait prendre, ça va poser problème pour nous. C'est ça qu'ils ont stoppé. Maintenant, c'est dans les affiches diplomatiques. Maintenant, on sait. Avant, on dit que ah, les Anglais, vous n'êtes pas très. Vous ne faites pas la démocratie. Voilà, ça c'est la première chose. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose. C'est qu'avant les années 80, 90, avant la rétrocession, le dernier gouverneur qui voulait aussi encore élargir un peu Pékin le fanait aussi. Ça relève un peu de l'enjeu diplomatique, tout ça, c'est une question de lutte de pouvoir. Bien sûr, des années 50, si Pékin manifestait de cette manière, envoyait ce genre de message, ça arrangeait bien les Anglais aussi. Dans un contexte de guerre froide, quand vous voyez, démocrate, parfois, quand même, c'est moins. D'ailleurs, les pro-Pékin, en 67, organiser un révolte à Hong Kong, ça crée des bagarres terribles. Et donc, pendant la révolution culturelle, hein, les pros, hein, et donc, c'est comme ça, ça traînait, hein, ces histoires. Mais avant, il y a un système, assez consultatif, et on a un système présentant, mais souvent, c'est nommé par les Anglais, mais Hong Kong peut être un des lieux, hein, on peut dire que les Anglais, de manière assez, presque un exemple excellent, qu'ils ont assez respect. Surtout il y a 70, pendant plus de 10 ans, je crois qu'il a passé, il a 10 ans, 11 ans, c'est un type qui a très bien fait. Il a fait beaucoup de choses, même social-démocrate, hein, de l'État pro-Hong Kong. En même temps, le policier, c'est dramatique. Hein. Regardez, en quelques années, le policier hongkongais, surtout cette fois-là, dégrade à ce niveau-là. De plus en plus, il ressemble au policier, hein, sur le Chine continentale, hein, cette fois-là. Mais avant, Hong Kong, le policier de Hong Kong, considéré comme le meilleur policier de l'Asie. Hein. C'est très, très professionnel, très respectueux, tout ça. Mais avant, non. Avant, des années 50, 60, c'est un policier assez, pas très, très bon, en même temps, corruption, tout ça. Le gouverneur de, comment il s'appelle, que tout ça, il a fait la réforme, il a créé un bureau, contrôler les policiers, hein, éradiquer les corruptions des policiers, tout ça. C'est comme ça, les policiers de Hong Kong, un des meilleurs d'Asie aussi. C'est comme ça, c'est pour cette raison. Et vous savez que je connais personnellement aussi beaucoup de démocrates de Hong Kong. Ce sont des gens, tout au long des années 70, 80, ils ont quand même contre un peu les Anglais, hein, ils voulaient toujours, ce sont des militants syndicalistes, ils voulaient le plus de démocratie à Hong Kong, parce que même vous êtes dans l'ensemble assez gentleman, mais quand même vous voulez de pouvoir plus de droits, etc. Mais tous ces gens-là, 89, avec la répression, tout bascule. Tous ces gens-là, avant, ce sont des gens que Pékin essaie de collaborer, hein, mais tous basculent contre le Pékin. Ils ont plus le droit d'aller sur le Chine continentale, tout ce, voilà. Donc, la situation de Hong Kong, cette question de démocratie, c'est lié avec la question de langue de Pékin, lié aussi au contexte historique, tout ça, assez compliqué. Mais ce que je, comme tout à l'heure, je viens de vous dire, l'avenir de Hong Kong, de la démocratie, c'est lié avec ce qui se passe en Chine continentale. Si ça ne se passe pas quelque chose en Chine continentale, simplement dépend de la grâce de Pékin, de donne ou de donne pas. Je pense pas ça, pour les gens de Hong Kong, pour avoir vraiment de une démocratie. Voilà, c'est ça. Oui, en attendant les... est-ce que tu as compris ce qu'il y a? Oui. Bonsoir. Por favor, yo no sé si es un ayuda. Necesito una ayuda. Una ayuda de 5 mil euros. Puede ser. On aide a qui? Hein? On aide, une ayuda. Una ayuda de. Yo quiero volver en Marruecos. Quiero volver en Marruecos. Si puedes, por favor, ayudarme un billete. Para vos. Se puede, si no puedes, no pasa nada. Ah, muchas gracias, señor. Muchas gracias. Moi, j'avais une question un peu sur. J'ai plein de questions, mais je vais essayer de résumer celle-ci. Sur la médiatisation du mouvement. Alors, nous, celle qu'on a en France, mais comme sur tous les mouvements sociaux, ils vont montrer la violence. Et bien savoir aussi comment les Chinois voient ce qui se passe à Hong Kong. Pardon ? Oui, pardon. En Chine, voilà. Comment est-ce qu'ils voient ce qui se passe à Hong Kong ? Et j'avais aussi la question pour les Hongkongais. Quelles données ils ont au niveau international pour aller chercher des alliés au niveau international et au niveau des gouvernements ? Parce qu'on sait que la Chine a un poids aussi au niveau géopolitique qui est assez énorme maintenant. Donc les autres gouvernements, de toute façon, sur ce qui se passe à Hong Kong, voilà, les possibilités d'action, c'est un peu... Bon, le gros problème, vous savez que c'est comme tout à l'heure, monsieur m'a posé la question sur le contrôle, tout ça. Maintenant, malgré cette période technique numérique et tout ça, mais la Chine est assez au niveau des infos, circulation des infos. Donc, dans une période où ça apparaît comme une certaine crise en Chine, maintenant la croissance économique commence à ralentir et tout ça. Et beaucoup cette garde nationaliste, anti-américain, et aussi cette fois-là, surtout, ils jouent beaucoup ce sentiment anti-hongkongais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la majorité des Chinois en Chine continentale, si vous posez la question pas en Hong Kong, ils ne savaient pas très bien qu'est-ce que c'est. Et Pékin, sans cesse, en dit que c'est un mouvement indépendantiste. Il dit que c'est absurde, Hong Kong, tu veux, parce que l'eau, légumes, tout ce genre de choses qui viennent de la Chine continentale, comment tu veux. Et le gouvernement Pékin sans cesse dit que c'est un mouvement indépendantiste. Et du coup, ça a provoqué de colère beaucoup des gens de Chine continentaux. Alors, c'est quoi? Vous êtes autrefois sous les Anglais, maintenant vous voulez continuer des Occidentaux comme des serveurs, comme des traîtres de la nation, tout ça. Mais en réalité, la majorité de Hong Kong, il y a une partie des gens. D'ailleurs, ce mouvement de localiste, indépendantiste, si vous voulez, apparaît, ce n'est après l'échec du mouvement de parapluie. D'accord. Et donc, la majorité des gens restent encore, cette fois-là, à Hong Kong, simplement une revendication de démocratie. N'est pas le problème ils ne se posent pas cette question de... Mes problèmes, le gouvernement continue à bombarder avec ce genre de messages, mobiliser tous ces médias pour dire que c'est un mouvement indépendantiste. Ouais, beaucoup de populations en colère. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est ça le gros problème. Concernant les Hongkongais sexes et des alliés, bien sûr, et je ne sais pas où vous faites attention. Même c'était au mois de juillet, je crois, ils ont publié même une page tout noire de publicité dans le monde. Les Hongkongais collectionnés, en quelques heures, ils ont collectionné $1 million, je ne sais pas où, mais je ne me rappelle plus de somme. Ils ont publié dans tous les grands journaux du monde une publicité pour le Hong Kong, on voulait la dire, tout ça. Donc, ils cherchent des opinions, le soutien de l'opinion internationale, ils cherchent le soutien de la part du gouvernement des pays démocratiques. Et le problème, c'est que, pour toutes les raisons qu'on peut comprendre, en Occident, en France, tout ça, ce soutien pas si net, pas si évident. On a simplement content de dire qu'on a des intérêts aussi en Hong Kong, où on reste la démocratie, la liberté des gens de Hong Kong. Voilà. Mais par contre, les Américains, maintenant, font un pas très important. Ces derniers jours, le Congrès passait d'abord une loi Après, comme cette répression a rendu de plus en plus violente, c'est seulement la semaine dernière, hein, lundi dernier, non, il y a 10 jours, passé dans le Sénat, hein, en général, vous savez, la procédure, c'est assez compliqué, c'est les Américains, hein, tout ça. Mais cette fois-là, on passait directement, tout le monde est d'accord, c'est, on passait une procédure, si tu as du coup dit, sinon, ça passe. Du coup, tout d'un coup, cette loi a tellement parti. C'est un acte concernant les droits de l'homme, la démocratie de Hong Kong. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à partir de maintenant, les Américains vont demander au gouvernement, le Congrès, le gouvernement doit chaque année donner un rapport concernant la situation des droits de l'homme en Hong Kong. Si ça ne passe pas bien, et on va supprimer certains privilèges qu'on a américains accordés à Hong Kong. Par exemple, Hong Kong, c'est une zone à part en termes commerciaux que la Chine continentale. C'est un particulier. C'est comme ça que la Chine continentale, Pékin a besoin de Hong Kong aussi. Parce que c'est quelque chose, par exemple, vous savez, l'exportation de la Chine, maintenant le numéro 1 du monde, l'exportation, c'est 17% vers l'Amérique, 11% vers Hong Kong. C'est via Hong Kong, on passe encore à l'étranger, même beaucoup plus qu'en France. Hein. Donc, cette loi passe, ça va avoir de l'impact. Hein. C'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'au final, Trump va signer ou pas? Trump l'a signé. Il y a deux jours. Maintenant, ça va, c'est quelque chose, annuellement, c'est quelque chose qu'on va... On va, hein, quelque chose, on va regarder. Et là, Pékin est furieux. Pékin dit que je vais donner la vengeance, vous avez signé. Mais les Américains, c'est notre loi, c'est notre droit. Parce que je veux traiter ou pas avec les affaires. Moi, tu dis que je manque ingérence que dans votre affaire. Donc, non, c'est rien à voir. Moi, selon moi, ma propre principe, je vais correspondre mes droits, je fais d'affaires avec toi. Si je corresponds, moi, je ne fais pas avec toi. Donc, Pékin a dit que furieux, sur ce point-là, Pékin ne peut pas faire grand-chose. C'est comme je veux traiter des affaires selon mon principe. Et selon mon prix, tu ne fais pas bien. Tu es quelqu'un que moi, je fais. Là, ça y aura des conséquences. Mais malheureusement, c'est que les Américains qui ont de cette... Et d'ailleurs, hein, c'est les démocrates qui commencent d'abord l'initiative. Maintenant, le Congrès, c'est contrôlé par les démocrates. Le Sénat, c'est contrôlé par les républicains actuels. Mais cette fois-là, sur ce sujet-là, c'est majoritairement, presque 100%, tout le monde est d'accord. Voilà, c'est maintenant en Amérique, il y a une profonde division aussi de sujets, mais vis-à-vis de la Chine... Vis-à-vis de Hong Kong, les démocrates et les républicains partagent la même position. Voilà, c'est ça, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, tu avais une autre question. Oui, le fil, parce que c'est un peu confus dans ma tête. Mais jusqu'à présent, Hong Kong, pour ce que j'en sais, a toujours été une zone grise au niveau international qui permettait un pont entre la Chine communiste et le reste du monde, aussi bien pour les échanges de marchandises, de capitaux, d'informations, de diplomatie, on va dire, occulte, informelle. Avec la rétrocession, en fait, de Hong Kong à la Chine, la situation n'avait pas évolué et ça restait en zone d'ombre. D'où c'est toutes ces ambiguïtés au niveau démocratique et social à Hong Kong, c'est que c'était une vaste zone floue où tout était possible. Enfin, c'était une place, on va dire, une place miracle pour toutes sortes d'activités dans le monde. Et c'est là où je comprends pas pourquoi, alors que Hong Kong joue toujours ce rôle, la Chine cherche à rompre le statut, reprendre la main et le contrôle sur Hong Kong, à moins qu'elle en ait plus besoin en tant que telle et qu'elle ait d'autres sources d'accès. Je dois dire que monsieur, vous posez toujours très très bonnes questions. Hein. C'est une conscience très bon sens. Hein. Vous savez que Hong Kong, c'est une zone très particulière. Hein. Donc, Pékin, dans la tête des dirigeants, c'est justement aussi pour éviter toujours ce genre de situation continue existe. Dans leur vision, hein, de Hong Kong, c'est plutôt l'endroit où tu t'occupes que des arts. Tous les restes, il faut que je le contrôle. C'est ça le problème. Parce qu'il peur toujours cette ville un jour devient une passion pour la liberté, la démocratie pour la Chine du Sud. Voilà, c'est ça, c'est le au cœur de ces affaires. Et donc, le problème, ils confondent en contradiction, parfois même eux-mêmes, tous ces dirigeants, peut-être ne sont pas toujours conscients. C'est quoi? C'est que tu ne peux pas avoir la peur ou l'argent. Parce que la liberté, parfois, il y a quelque chose que tu... Peut-être ça ne te plaît pas tu, en tant que pouvoir autoritaire. Voilà. Le problème, c'est que tu veux profiter le capitalisme de Hong Kong et prospérité, circulation, tout ça. Et en même temps, tu veux que ce Hong Kong corresponde comme aussi le serveur. C'est ça, c'est là le problème. C'est ça qu'ils ont déjà fait plusieurs tentatives, par exemple 2001, ils ont voulu passer une loi avec 23 articles de sécurité nationale. Et il y a tout de suite 500 000 de Hong Kongais qui sont descendus dans la rue, tous habillés noirs. Hein. Ça fait presque 20 ans. Et après, à l'époque, ce n'était pas encore le président actuel de Chine. Ils ont enfin retiré ce projet de loi. C'est là, vous n'avez pas fait une raison, vous avez posé une question très pertinente. C'est ça le problème. Je ne pense pas comment Pékin peut résoudre. Tant que ce régime-là, il veut toujours essayer de il ne peut pas laisser cette liberté à une ville. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. D'accord, je vais peut-être prendre les dernières questions. Je ne sais pas si Dimitri, l'intervenant, est là. Ok, super. Du coup, j'avais... une question un peu de notre position ici, aussi parfois à faire des manifestations. On a été très impressionnés de l'organisation et de la façon dont les personnes pouvaient aller aussi avoir des bases arrières, le soutien de la population, le fait qu'il y a des personnes qui venaient apporter de l'alimentation, des soins. Ça, est-ce que c'est lié à une solidarité qui était déjà là de base? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Nous, ça nous semble assez extraordinaire. On ne sait pas faire comme ça et on est plutôt à se diviser pour des conflits d'étiquettes et diverses. Donc, est-ce que tu as là-dessus des éléments pour qu'on comprenne mieux? Il faut savoir, Hong Kong, hein, la population de Hong Kong, c'est très apolitisé. Hein. Avant, c'était politique. Ils ont fait des affaires. D'ailleurs, ce sont des gens qui fuient de politique communiste, tout ça. Donc... Simplement, ils voulaient vivre de la liberté, faire des affaires, tout ça, c'est tout. Mais le problème maintenant, ils sont obligés, ces années, de faire face à tous ces problèmes. Petit à petit, on a assisté à un processus de politisation de la classe moyenne de tous ces Hong Kongais. Petit à petit, pendant toutes ces dernières décennies. Hein. Par exemple, l'art de commémoration de chaque année 4 juin de 89, de répression de Place Tiananmen, c'était un art très fort. Comme ça, vous voyez très bien, cette fois-là, la manifestation de génération. Les générations de 89, hein, cette génération a participé à toutes ces 20 dernières, 30 dernières années de commémoration, et aussi les enfants. D'accord? Les enfants, cette fois-là, ce sont des jeunes qui sont... Voilà. Donc... Et c'est dans cette lutte pour la démocratie, pour sauvegarder la liberté et petite conscience, comme ça, en même temps s'organiser tous ces les militants, émergent tous ces acteurs, les jeunes, tout ça. Et donc cette fois-là, comme le gouvernement, comme face à un mur, il n'écoute rien, il doute. Cette colère, voilà. Donc, c'est une organisation spontanée. À travers les réseaux sociaux, comme tout à l'heure, hein, c'est un rôle très très important. Je sais très bien, moi j'ai connecté presque permanent ce qui se passe à Hong Kong. Et tu vois très bien, par exemple, on a besoin, bam, message, il passe. Tout de suite, il y a des. Regarde cette fois-là les jeunes, comment il n'y a pas de transport pour fuir l'arrestation policière, tout ça. Beaucoup des parents, hein, ce sont des classes peut-être méconduites, on l'appelle un tchadan, c'est le parent. Finalement, on se conduit la voiture qui joue de taxi gratuitement, comme ça, que cravate dans le bureau, sort dans le bureau, qui permettent, c'est extraordinaire. C'est ça que ça se voit, cette... longtemps de cette comment dire, c'est une population très civilisée et donc il y a cette autodiscipline quand ils voulaient monter en quelque chose le message passe. L'argent, communication, de tous ces matériels, tout, c'est extraordinaire. C'est là, on va, je pense que dans les années, on va parler beaucoup comment ce mouvement, rarement dans le monde, à cette ampleur, des millions de gens, et traîné si longtemps, et en même temps continue à avoir ce genre de c'est extraordinaire, de mobilisation, ce genre d'organisation, ce genre de soutien. Voilà. D'accord, peut-être on va s'arrêter là pour ton intervention, parce qu'il y a Dimitri qui va intervenir après. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire quelques mots de conclusion? Vas-y. C'est une expérience aussi extraordinaire pour moi, dans ce fois, que c'est la première fois, parce que ces derniers jours, deux, trois mois, j'ai donné beaucoup de conférences, pas que sur la Chine, sur Hong Kong. Jeudi dernier, j'ai une conférence avec les deux, trois autres, quatre autres à Normal Sup. C'est aussi un lieu d'éducation, c'est l'éducation peut-être d'Alit, ça c'est le, votre association populaire. Merci d'être, merci de m'avoir invité, donc je vous salue aussi, c'est pour une démocratie tourne, pour on a besoin de Rudul, mais aussi, on a besoin de vous aussi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je change l'enregistrement et donc je vais passer la parole au deuxième intervenant aujourd'hui.